Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervan avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et 4 épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, New York, I Love Catastrophe, une série de Nicolas Champeau réalisée par Rafik Zénine. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que ça fait 20 ans qu'un attentat terroriste a fait s'effondrer les tours jumelles à Manhattan en tuant 2753 personnes. Et aussi parce que la tempête Ida qui vient de frapper la ville est comme un écho de Sandy en 2012. Et puis parce que parfois, on a l'impression, après la crise du Covid ou celle des subprimes, que New York est une ville phénix. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, un ciel bleu impossible à oublier, une institutrice qui, le 11 septembre, sans nouvelles de son mari pompier, regardait un enfant empiler des cubes avant de les faire effondrer, une femme qui voulait s'échapper, et le sentiment troublant d'être détestée. Mais pour commencer, il y a ceux qui ont tout vu. En raison du Covid, il y avait à peine plus de passagers que de personnel d'équipage dans le vol United Airlines 56, Roissy-Charles de Gaulle, Newark Liberty, un vol de jour. J'ai pu étirer mes jambes et regarder tranquillement un vieux film, After Hours, de Martin Scorsese avec Rosanna Arquette, sur les communautés interlopes de Greenwich Village. Ensuite, j'ai ouvert le livre New York Délire, de l'architecte Rem Koolhaas. Il dit « Manhattan a engendré une architecture désinhibée qui a su se faire aimer par la vertu même de son provocant narcissisme, se faire respecter précisément pour son manque de retenue. Manhattan est une accumulation de catastrophes en puissance qui ne se produisent jamais. » Le texte a été publié en 1979. Demande à la poussière, New York, 11 septembre 2001, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine. Je pense que les gens dans le monde entier se souviennent du 11 septembre. Edward Miller, banquier retraité, ancien PDG de Salomon Smith Barney, filiale de Citigroup. J'étais venu à New York pour dire à mon PDG que je souhaitais prendre ma retraite. Je faisais partie du comité opérationnel. D'habitude, je participais en visioconférence depuis Londres aux réunions exécutives, mais cette fois-ci, j'avais pris l'avion car je devais dîner à New York avec le PDG pour lui annoncer ma décision. La réunion était au 39e étage de notre immeuble sur Greenwich Street, à quelques encablures du World Trade Center. Les fenêtres de la salle de réunion donnaient sur le World Trade Center. Moi, j'avais le dos à la fenêtre. La réunion a commencé à 8h, et je crois vers 8h30 ou 8h35, il y a eu la première explosion. Et on l'a entendu. Les fenêtres ont vibré. Je me suis retourné et j'ai vu le fuselage d'un avion coincé dans la façade de l'une des tours jumelles. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un énorme panache de fumée s'échappait de la tour. Personne ne savait ce que c'était parce que nous étions tous concentrés sur la présentation vidéo d'un de nos partenaires. Et alors moi, qui croyais tout savoir, j'ai dit, ce ne peut pas être un avion, parce que l'aluminium ne transperce pas l'acier. Mais je n'avais pas pensé aux ailes de l'avion qui étaient remplies de kérosène, et en un éclair, elles ont brûlé et perforé l'acier. Mais nous, on ne savait rien. On a allumé la télé pour voir CNN, mais ils n'en savaient pas plus, donc on était complètement dans le noir. Et juste après, on a vu ce qui ressemblait à un avion énorme, gris foncé, volé à basse altitude au-dessus de la rivière Hudson, avant de relever le nez et d'accélérer vers la deuxième tour. Moi, je pensais que c'était un avion non siglé, parce que d'habitude, les avions sont couleur argent, mais en fait, C'était un avion de la United Airlines qui, en effet, avait une flotte gris foncé à l'époque. Moi, j'étais responsable, entre autres, du Moyen-Orient, et j'ai tout de suite pensé à Osama Bin Laden, le seul à pouvoir se permettre un avion de cette taille. Je n'avais pas pensé qu'il pouvait aussi pirater un avion. J'ai pensé à Ben Laden parce que j'allais tout le temps au Moyen-Orient. De 1992 à 1997, 22,5% de notre banque Smith Barney était détenue par un groupe d'investisseurs des pays du Golfe. J'étais responsable de nos relations avec eux. Bref, à ce moment-là, en tout cas, on a compris que c'était des terroristes. As Matt just mentioned, we have a breaking news story to tell you about. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just a few moments ago, apparently. We have very little information available. So you have no idea right now? Oh, there's another one. Another plane just hit. Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. Moi, je suis au troisième étage. Je vois la Statue de la Liberté de mon appartement. Attends, la vue est dingue. Je vois tout le downtown de New York. Edouard Franco, un électricien à la retraite, habite le troisième étage d'un bâtiment HLM à Red Hook. La péninsule à l'ouest de Brooklyn mord sur l'eau. Et c'est vrai que l'excroissance est un très bon poste pour observer les gratte-ciels du quartier financier de Manhattan. J'étais chez moi quand les tours jumelles se sont effondrées. J'étais sur le toit pour le deuxième avion. Le jet noir a fait un virage à 90 degrés. Et j'avais des jumelles. J'ai vu le premier avion quand j'étais chez moi, et après, j'ai attrapé mon café car je me suis dit que j'aurais une meilleure vue du toit. La vérité, j'ai vu le deuxième avion percuter. Au début, j'ai cru qu'il avait explosé sur le coup quand j'ai vu la boule de feu. Alors qu'en fait, cet avion a lentement traversé tout l'étage avant d'exploser une fois atteint l'autre côté de la tour. Mais quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression que l'explosion était au moment de l'impact. Mais en fait, c'était après l'impact. Et vous êtes resté sur le toit toute la journée ? Une bonne partie. Mais après, il y avait un gamin qui m'a rejoint et qui m'a dit « Le Pentagone a été frappé. » On ne savait pas encore pour l'avion de Pennsylvanie. Donc à ce moment-là, c'était juste les tours. Et puis à la télé, il disait que d'autres avions avaient été piratés. Et après, on a su pour l'avion de Pennsylvanie. Moi, avec les jumelles, j'ai vu des gens se jeter du 60e étage, du 70e étage. Je n'en croyais pas mes yeux, et tout allait si vite. Tu vois des êtres humains chuter des immeubles, une pluie de gens qui tombent. 1, 2, 3, 4, à gauche, à droite. Moi, je me disais, mais ce n'est pas possible. Ils ne l'ont pas montré à la télé, ça. Peut-être 2 ou 3, mais on ne voyait pas la panique sur le visage des gens. Mais moi, j'avais des jumelles avec des super lentilles et un zoom puissant. Et crois-moi, c'était des jumelles à $40, mais des bonnes jumelles. Rien ne vaut les jumelles Nikon. Ah, c'était il y a longtemps. Ma fille est née à 11 septembre, et quand elle était petite, elle me demandait « Papa, pourquoi les gens sont si tristes le jour de mon anniversaire ?» Et je lui répondais « Un jour, tu comprendras. » Sur notre immeuble, on avait un énorme parapluie en néon rouge. C'était le logo de la banque Travelers, qui appartenait à mon groupe. Et j'avais peur que ça puisse être une cible, parce que moi, j'étais là. Mais il y en a encore combien là-haut des avions comme ça? Ils vont tous nous tomber dessus. Nous étions la plus grosse institution financière du monde à l'époque. On avait aussi beaucoup d'employés dans la tour 4 du World Trade Center. Donc, on s'est tout de suite mis au travail pour organiser leur évacuation et notre évacuation. On était tous sur nos téléphones et on a quitté notre immeuble. Nos employés qui ont évacué l'immeuble World Trade 4 ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Des gens qui sautaient des tours jumelles et qui se fracassaient au sol. Et nous, on n'a perdu personne, mais on a mis en place un soutien psychologique. On était en mode urgence. Je suis allé dans plusieurs hôpitaux pour prendre des nouvelles de nos employés qui avaient été blessés, surtout des expatriés qui n'avaient pas de famille sur place. Donc, je leur ai proposé mon aide. S'il fallait prévenir leurs proches ou autres, on était tous sur le pont. C'était effrayant. Et bien sûr, j'ai vu les deux tours s'effondrer. L'observatoire Lamont, qui fait partie de l'Université de Columbia, comprend un réseau d'observation sismique dont tous les phénomènes sismiques sont enregistrés au niveau des 12 stations sismiques que nous avons dans la région. Klaus Jacob, géophysicien, professeur à l'Institut de la Terre de l'Université de Columbia. Le 11 septembre 2001, quand le premier avion a percuté la tour 1 et le deuxième la tour 2, les impacts ont transféré leur énergie jusqu'au sol. Et cette énergie a produit des vagues sismiques qui ont voyagé jusqu'à nos stations. L'une près d'ici, à Palisades, mais nous en avons une autre à New York même, et deux ou trois autres qui ont aussi enregistré les informations sismiques. Mais ce n'était pas tout, parce qu'au bout d'un certain temps, le feu a affaibli les structures des tours, et elles se sont effondrées. Les vagues de choc de l'effondrement ont à leur tour transmis de l'énergie sismique à nos stations, et nous les avons enregistrées. Ces données ont été utilisées de différentes façons, parce qu'il y avait un doute sur l'heure exacte des impacts, et il y avait aussi des informations sur d'autres explosions qui se seraient produites entre les deux crashs. Many of those things turned out to be, you know, just hearsay that then traveled. Mais c'était des rumeurs qui avaient été relayées par les médias. So anyhow, we could see. En tous les cas, on a pu voir que l'effondrement s'est produit étage par étage, so it was like a firecracker. C'était un peu comme le son d'un fusil automatique, comme une mitraillette, et pas un simple fracas en une seule fois. L'effondrement des tours jumelles a bouleversé les communautés de l'autre côté de la rivière Hudson, à Piermont, Palisades ou Englewood, des banlieues résidentielles et familiales prisées des employés de la ville de New York et notamment des policiers et des pompiers d'origine irlandaise qui empruntent le pont Washington tous les jours pour travailler. Una McHugh, née Hinchcliffe, a épousé Dennis, un pompier new-yorkais avec qui elle a eu 3 enfants. The year prior, I was not working because we had just had twins. Joe and Sophie. So, je n'avais pas travaillé l'année d'avant car nous venions juste d'avoir des jumeaux, Joe et Sophie. Et au moment du 11 septembre, il n'avait que 10 mois et je venais juste de reprendre le travail. Dennis faisait 2 vacations d'affilée et ma sœur venait garder nos jumeaux ce jour-là quand je travaillais. On avait l'impression d'avoir le meilleur des mondes. Car Dennis pouvait poursuivre sa carrière qu'il adorait, mais son emploi du temps était flexible et lui permettait d'être avec eux. La vie était belle. Et donc la veille du 11 septembre, j'avais travaillé toute la journée. Et Dennis, avant d'aller au travail le soir, avait pris le temps de faire les courses et de préparer notre repas. Nos jumeaux faisaient de l'asthme et il les avait aussi nébulisés. Il avait tout préparé pour faciliter mon retour du travail et pour que je puisse retrouver tranquillement nos enfants. Donc il est allé au travail. Il avait appelé dans la soirée pour parler à notre fille aînée, Chloé, pour lui souhaiter bonne nuit et lui demander de raconter sa journée à l'école. Et son récit l'avait bien fait rire, je me souviens. Et le lendemain matin, je suis allée au travail. Et quand la caserne a reçu un appel pour signaler qu'il y avait peut-être eu une explosion à Manhattan, que Dennis y serait sans doute déployé, il a pris la peine d'appeler la maison pour voir si les jumeaux allaient bien. Donc il a parlé avec ma sœur et puis il a dû lui raccrocher au nez pour vite grimper dans le camion de pompiers et partir. Professionally, I was just promoted to sergeant about a little more than a week before 9/11. J'ai été promu sergent une semaine avant le 11 septembre. Donc j'étais officier de police dans l'unité des urgences. C'est un peu l'unité couteau suisse de la police. On nous appelle pour des opérations de sauvetage ou si quelqu'un essaie de se jeter d'un pont. Nous sommes aussi une plongeur pour des opérations de sauvetage sous-marine. Donc moi, je venais d'être promu et j'étais à l'académie de police, à l'école. Et je faisais des tournées de nuit, de 15h à 23h. John Scrivani est aujourd'hui responsable de la gestion des urgences à la mairie de New York. Donc le matin en question, j'étais au lit parce que j'avais fait une vacation de nuit. Et ma femme m'a appelé vers 8h30 et m'a raconté ce qui se passait. J'ai allumé la télé, la première tour avait été frappée, tout le monde pensait que c'était un accident, et j'ai vu l'attaque sur la deuxième tour. J'ai appelé le travail, ils m'ont dit qu'ils réquisitionnaient tout le monde. La situation était un peu particulière, car j'étais à l'école, je n'étais plus dans l'unité officiellement, mais j'ai remis mon vieil uniforme et j'ai rejoint mon commandement à Manhattan et ensuite à Ground Zero. Quand je suis arrivé à Ground Zero, j'étais à l'intersection de Broadway et Barclay. C'est à deux pâtés de maison, là où se trouve la tour Woolworth. Et là, j'ai rencontré un de nos lieutenants, le lieutenant Steve Reardon. Et il était recouvert de blanc, de la tête aux pieds. Il a fallu que je sois à 20 cm de lui pour le reconnaître. Tout le monde était blanc, recouvert de cendres et de poussière. Je l'ai reconnu grâce au badge épinglé à sa chemise. Et quand je l'ai vu, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi moi j'étais si propre. Alors il a mis la main sur mon épaule et m'a demandé « Pourquoi es-tu propre ?» Et je lui ai expliqué « Je viens d'arriver, tu as besoin de quoi ?» Il m'a expliqué que les deux tours s'étaient effondrées, que de nombreux collègues manquaient à l'appel, les gens couraient dans tous les sens, et il m'a demandé de réunir des policiers qui, comme moi, venaient d'arriver, et de prendre du matériel et descendre pour essayer de secourir les collègues enfouis. Ça faisait à peine une semaine que j'étais sergent, et j'avais la responsabilité d'une équipe entière pour une mission de secourisme à Ground Zero. C'est surréaliste. Donc j'ai réuni une équipe de nos gars, on est allé à un camion de police qui était endommagé, on a pris du matériel, et on s'apprêtait à descendre quand un de nos supérieurs nous a arrêtés. Il a dit, les gars, on va se regrouper et essayer de trouver une approche plus tactique au lieu de continuer d'envoyer d'autres hommes se mettre en danger en bas. Les désastres ont un contexte, les gens ont des récits à partager, des anecdotes à raconter. Le temps passe, la douleur disparaît, puis relance, le regard change. Des détails deviennent flous, d'autres au contraire se fixent. Certains récits ne sont pas encore finis, il y en a même de nouveaux. Mais si d'un désastre, il fallait retenir une seule image, choisir une photo. Paul Moakley est l'un des responsables photos de Time Magazine. La photo de la personnalité de l'année et les photos en couverture, c'est souvent lui. If I had to pick one picture that I think is the most important picture from 9/11, I think it's the picture of the falling man by Richard Drew. Si je devais choisir la meilleure photo du 11 septembre, ce serait la photo de l'homme en chute, prise par Richard Drew. Ce n'est pas une photo facile à regarder. Elle est très dérangeante. Ça me donne des frissons de la regarder 20 ans plus tard. On voit cet homme avec derrière lui la façade de la tour. Il est en train de plonger tête la première. Il y a quelque chose de surréaliste dans cette photo. Richard Drew describes him as like an arrow bisecting the buildings. And there's something so like. Le photographe Richard Drew dit qu'il est une flèche qui vient fendre l'immeuble. La photo est très nette. Donc cet homme capte toute notre attention. Et je pense que le 11 septembre était un événement tellement confus. et chaotique, que nous avons tendance à penser aux victimes d'une façon globale. Et au contraire, cette photo met la focale sur l'humanité d'une seule personne. Il y a des théories différentes sur l'identité de cette personne. Le journaliste Tom Jenod est celui qui a mené l'enquête la plus approfondie. C'est lui d'ailleurs qui a trouvé le titre de Falling Man, l'homme en chute. Il pense qu'il s'agit d'un employé du restaurant Windows Underworld, parce qu'il porte l'uniforme des serveurs de ce restaurant. Il pense même connaître l'identité exacte de cette personne, mais sa famille est catholique et très croyante et ne souhaite pas que les gens pensent qu'il se soit donné la mort. Pour moi, je ne pense pas que c'est un suicide à ce stade. Je pense même que c'est plutôt de la survie, ça brise le cœur, mais ce geste est très courageux aussi. La première fois que je suis allé à New York, c'était chez Marianne Massonet en 1988 à Dean Street, Burham Hill, Brooklyn. Elle n'a pas bougé. Elle travaille dans le cinéma et voyage beaucoup. Et le 11 septembre 2001, elle n'était pas là. Le 11 septembre, j'étais à Toronto, au Canada, pour le Festival international du film. J'étais dans ma chambre d'hôtel qui avait une kitchenette. Et j'ai vécu la même chose que le personnage de ce film. Comment il s'appelle déjà? Apollo 13. Tu sais, l'astronaute qui était dégoûté de ne pas avoir pu partir avec l'équipage. Parce que dans le film, à un moment, il éteint sa télévision, deux secondes avant qu'un flash spécial annonce que ses trois collègues astronautes d'Apollo 13, qui étaient dans l'espace, étaient en danger de mort suite à une explosion. Et donc moi, le 11 septembre, c'était pareil. J'étais dans ma chambre d'hôtel, il était environ 8h45 du matin, j'ai regardé les nouvelles locales et j'ai éteint ma télé pour aller à une projection juste avant le crash du premier avion. Je suis allée voir le film et je crois que je ne l'ai pas aimé. Je suis partie donc avant la fin de la séance. Et j'ai pris un café. Je bouquinais et j'ai entendu des gens parler de je ne sais quoi, sûrement de l'attentat, mais je n'ai pas relevé. But then another group of a couple of people walk by and I hear somebody talking about Ensuite, un autre groupe est passé devant moi et quelqu'un a dit quelque chose au sujet d'une partie du Pentagone qui se serait effondrée. Je me suis dit que la façade avait dû avoir un problème et je n'ai pas cherché à en savoir plus. Et enfin, plus tard, quelqu'un d'autre a mentionné l'effondrement du World Trade Center et là, je me suis redressée, j'ai réagi. Parce qu'une amie d'enfance travaillait dans les tours jumelles. Mais moi, j'étais à Toronto. Et ce que je voulais faire à tout prix, tout de suite, c'était de rentrer à New York. Mary Beth Yarrow, productrice, a fondé une famille avec Peter Yarrow, du groupe de folk Peter, Paul and Mary. I was in New York City that day. J'étais à New York ce jour-là. C'était un mardi. Il y avait des élections primaires démocrates. Je m'étais levée tôt pour voter. Et j'avais joué au tennis avec mon amie Eva. Nous avions pris un café. Et j'étais en train de remonter chez moi à l'intersection de la 91e et de la West End Avenue. Je suis entrée dans un magasin d'électroménager pour regarder les climatiseurs. Et là, à la télévision, ils montraient la première tour qui avait été frappée. Et les images de la fumée qui s'échappait. J'étais là, bouche bée, sidérée. Je n'en revenais pas. Standing there, gobsmacked, you know, unable to believe my eyes, and I had just a few block walk. La boutique home. N'était pas loin de chez and moi. When I got home and turned on the television, the second tower had been hit, and then before our eyes, these two. Et lorsque je suis arrivée, j'ai allumé la télé, j'ai vu la deuxième tour, et devant nos yeux, ces deux structures qui sont tellement emblématiques de New York ont implosé. I was on 91st Street and West End Avenue, and the World Trade Center was 100 blocks south of me. J'étais sur la 91e, donc les tours jumelles étaient à plus de 100 rues au sud. Je ne pouvais pas voir les bâtiments. Mais on pouvait voir la fumée dans l'air et entendre les sirènes des voitures et toutes les autres choses caractéristiques d'une ville dans la tourmente. Very quickly, the channels all got jammed and overwhelmed, so it was very hard to get through and get out to people. Très rapidement, le réseau téléphonique a commencé à être encombré. C'était de plus en plus difficile de joindre les gens pour leur dire « je vais bien ». Mais je ne sais pas si je vais pouvoir communiquer avec vous encore très longtemps. J'avais une amie qui habitait sur mon palier et elle avait une amie du New Jersey, chez elle, qui voulait absolument quitter la ville. Mais ils avaient dit que les ponts et les tunnels étaient fermés. Et ma fille, Bethany, et son mari à l'époque, avaient une maison en upstate New York, à peu près 3 heures d'ici. Ma fille, Bethany, et son mari avaient une maison dans l'État de New York, au nord, à 3 heures d'ici. On l'appelle la maison Cascade. C'est une maison du 19e qui surplombe une chute d'eau de 30 mètres. L'endroit est magnifique et moi, je voulais aller là. Donc j'ai dit à Jeannie, qui avait une voiture, moi pas, je peux nous sortir de la ville, j'en suis sûre. Si l'accès au pont Washington est fermé, il y a le pont de Madison Avenue ou le pont de la 3e Avenue, nous allons sortir de la ville. Traffic jam after traffic jam, and we did get onto the George Washington Bridge. Donc elle est venue me chercher à 14h et nous avons roulé. Il y avait embouteillage sur embouteillage et nous avons pu emprunter le pont Washington. Mais comme ils avaient peur, parce qu'ils ne savaient pas s'il y allait avoir d'autres attaques, si les tunnels ou les ponts allaient être visés, ils autorisaient seulement 5 voitures à la fois sur le pont. Et il n'y avait aucune voiture qui venait de la direction opposée vers la ville. Donc sur le pont, devant nous, la voie était ouverte, déserte. Et donc nous avons traversé le pont et rejoint le New Jersey. D'habitude, il y a de la circulation, mais là, rien du tout. C'était comme un film catastrophe. Tout était immobile. An exit stop at the gas station Saugerties, which is about near. Et donc, Jeannie, qui conduisait, m'a déposée à une station-service à une sortie près de Woodstock. Elle m'a laissée là, et ma fille est venue me chercher. Nous avons conduit vers Albany parce que Peter, qui était à Boston, avait pris le dernier bus pour Albany, New York. So he got to the bus station in Albany. Our son. Christopher and his girlfriend. Mon fils Christopher était dans la région pour aider ses beaux-parents à déménager. Et ce soir-là, ma fille et son époux, mon fils et sa compagne, mon ex-époux Peter et moi, nous sommes installés autour d'une table dans l'État de New York et avons débouché une bonne bouteille de vin chilien. Nous sommes restés assis en silence dans un moment de profonde reconnaissance, car nous étions une famille. Nous étions parvenus à nous retrouver autour d'une table à la fin d'une journée catastrophique et historique. When I heard everything happen, and as a teacher, you know, the kids, I mean, the fear, you know, seeped out into the suburbs. That quand j'ai appris ce qui s'était passé, la peur avait gagné les banlieues et l'école. On ne laissait pas les enfants sortir de l'école. I wouldn't have a classroom per se because I was a specialist. So I would go in. Je n'avais pas de classe à moi. Je faisais la lecture aux enfants pendant le déjeuner des instituteurs. Some kids were being removed from the school. You know, parents were afraid. Plusieurs parents sont venus chercher leurs enfants parce qu'ils avaient peur. Il y avait aussi un enfant dont le père était homme d'affaires et qui travaillait dans les tours jumelles. Et sa mère est venue le chercher à l'école. Moi, j'étais avec des élèves de CM1. J'avais appelé la maison juste avant de prendre en charge les élèves. Ma sœur m'avait dit que Denis avait appelé pour prendre des nouvelles des jumeaux. Elle n'en savait pas plus. Donc les élèves jouaient parce que c'était la récréation. Il y avait un groupe d'élèves qui construisaient des tours en empilant des cubes et ils les renversaient pour les reconstruire. Et je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai eu une vision en voyant ces cubes s'effondrer, un très mauvais pressentiment. J'ai dû rester à l'école jusqu'à la fin de la journée et ensuite j'ai passé tout mon temps à appeler la caserne, mais personne ne répondait. Et quand enfin j'ai eu quelqu'un, ils m'ont dit « Nous sommes sans nouvelles, on vous tiendra au courant ». Mon beau-frère, qui était capitaine de pompiers, a entendu que quelqu'un avait vu son camion et que l'équipage était sain et sauf. Mais malgré ça, j'étais très inquiète, car Denis m'aurait appelé. D'une manière ou d'une autre, il aurait cherché à me joindre. Plusieurs heures plus tard, il devait être 19h, on continuait nos recherches. Je suis sûr que vous avez vu le film avec Nicolas Cage, World Trade Center. L'histoire des deux policiers coincés sous les décombres. Il y avait l'officier William Menno et enterré à quelques mètres de lui, le sergent McLaughlin. On arrivait à entendre John, mais on ne pouvait pas le voir. Donc avec mon équipe, on a déterré William Menno. Ça a pris un certain temps. J'avais deux officiers avec moi et des urgentistes. Plusieurs équipes se sont relayées avant de réussir à enfin déterrer le sergent McLaughlin. Ça a pris plusieurs heures. Si vous revoyez le film, la reconstitution du cratère est dingue. C'est presque effrayant à quel point ils ont réussi à le recréer exactement tel qu'il était. We had to, you know, traverse multiple layers of debris to get down there. Pour sauver Menno, on a dû traverser des couches et des couches de débris, ne serait-ce que pour l'atteindre. Mais Menno était coincé par une poutre en ciment qui lui paralysait les jambes. Alors il a fallu lui grimper dessus pour le débarrasser de la poutre. Essayez de visualiser une colline géante de débris à Ground Zero, 200 étages qui se sont effondrés avec deux avions dedans. Et sur place, on ne reconnaissait plus rien, plus de cuvettes de WC, pas d'armoire, rien. Tout avait été pulvérisé. La seule chose qu'on pouvait percevoir, c'était l'acier et du béton. Et le cratère était en feu. Les pompiers cherchaient encore à éteindre l'incendie quand nous étions en bas en train d'essayer de les sauver. C'était fou. Donc voilà, moi j'ai fait partie de la première équipe qui a sauvé l'officier William Menno. Edouard Miller, est-ce que vous vous souvenez du soir du 11 septembre, quand vous avez enfin pu regagner votre domicile et que vous avez suspendu votre veste? À quoi pensiez-vous? Eh bien, je pensais à tous nos bureaux, à comment nous allions les gérer, comment gérer le traumatisme et toutes ces choses. Et j'ai appelé mon patron pour lui dire « Je veux annuler notre dîner ». Parce que je me suis dit, la dernière chose dont il a besoin, c'est de m'entendre pleurnicher sur ma vie et sur ma retraite. Mais il a dit « Non, maintenons-le, allons jusqu'au bout ». Donc nous avons dîné au Four Seasons, nous étions les deux seuls clients. Et j'essayais de gérer toutes ces choses et de voir comment on allait continuer et passer à autre chose. Parce que New York, c'est une ville qui avance. New York does move on. J'ai mis 4 jours à rentrer à New York parce qu'il n'y avait pas de vol et les trains étaient pleins. J'ai fini par réussir à prendre un train. And I almost gave the ticket to my friend who did die in the World Trade Center. Her husband was in Japan. J'avais pensé donner mon billet au mari de mon amie qui est morte dans l'effondrement des tours jumelles parce que son mari était au Japon et il voulait à tout prix rentrer. Et sa famille m'avait dit que c'était compliqué. Donc j'avais proposé qu'il vienne à Toronto et qu'il gagne New York avec mon billet de train. Mais ça ne s'est pas fait. Donc j'ai pris le train, un trajet de 12 heures. J'étais avec des collègues du cinéma, et tu sais, nous sommes assez cyniques, pas très patriotiques, genre tout le temps USA, USA. Mais dès que le train a traversé la frontière avec les États-Unis, on s'est tous mis à applaudir, parce que ça y est, on était chez nous. Pour le meilleur ou pour le pire, on était chez nous. Et quand je suis arrivée chez moi, il était minuit. Mon neveu Antonio est venu à ma rencontre à la gare de Penn Station. Il faisait du bénévolat avec des copains, mais il m'a retrouvée à Penn Station avant de les rejoindre pour me faire un câlin. Et après, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, car il fallait que je rentre. Alors à l'époque, j'étais encore programmatrice au cinéma du Lincoln Center. Et tu sais, parfois dans la vie de tous les jours, tu croises souvent les mêmes gens sans les connaître. Et dans le métro, il y avait ce type. Quelle classe! Il avait des pochettes et des pantalons en velours qui tombaient parfaitement bien, des costumes incroyables. Je le voyais tous les jours à la sortie du métro à Columbus Circle. Il partait dans un sens et moi dans l'autre, et je ne savais pas où il allait. Je ne savais rien de lui, et donc, quand je suis retournée au travail après quelques jours, je me suis dit, où est ce type ? Puis 10 jours après, il est réapparu. Mais j'avais une sensation vraiment étrange. Je ne connaissais pas cette personne, et je me suis demandé, mais y a-t-il des gens qui ont disparu que je ne connais pas vraiment, mais qui sont dans ma vie malgré tout ? Et je ne sais même pas qu'ils ont disparu, car je ne les connais pas. C'était une sensation qui me donnait vraiment la chair de poule. Bref, je suis allée voir ce monsieur. Je ne l'ai pas pris dans mes bras, mais je lui ai dit, je vous vois tous les jours, et j'étais inquiète car vous n'étiez plus là. Je commençais à être en deuil pour une personne que je ne connaissais pas. C'était vraiment une période étrange. Vivienne Gornick est une autrice féministe octogénaire, native du Bronx. Elle habite sur la 12e rue à Manhattan, juste au-dessus du West Village. Le spectacle urbain occupe une grande place dans ses livres et dans sa vie. Après le 11 septembre, les gens étaient assommés. On le voyait sur les visages. Moi-même, je n'en revenais pas. Pendant 6 semaines, il m'est arrivé de marcher, de rencontrer des gens que je connaissais, ce qui m'arrive tout le temps. Ils me demandaient comment ça va et je fondais en larmes. J'ignorais moi-même que j'étais dans cet état. On avait l'impression que c'était la fin du monde. La fin du monde. La tristesse se lisait sur tous les visages. Aucun rire, aucun sourire. Et quand je dis aucun, je dis aucun. La ville semblait... C'est ce qu'on appelle une réaction au désastre. Et aussi, et c'est terrible à dire, mais pour les Américains, toute génération confondue, il était inimaginable que New York puisse être attaqué un jour. C'est l'Europe qui a accumulé des couches de débris hérités de la guerre. Mais qui aurait pu imaginer que ça allait arriver à New York ? Donc, cela en soi était incroyable. Et puis, les gens aussi ont été choqués d'être à ce point détestés dans le monde. Et je sais que ça a contribué à la déprime qui a enveloppé la ville durant des mois. Et c'était une vision de la ville à l'arrêt pour toujours. Mais à New York, depuis que je suis devenue adulte, c'est-à-dire depuis très longtemps, je suis très impressionnée par la façon dont les New Yorkais luttent pour rester humains. Et dans toutes les crises que j'ai traversées, et ça remonte sans doute à la crise de 1975, quand la ville était à deux doigts de faire faillite. J'ai toujours été impressionnée car les gens répondent à la crise avec de la gentillesse, au lieu d'être impitoyables les uns envers les autres. Comme des gens au cours d'une vraie guerre. Peut-être, pas tant que cela, cela dit. Les Anglais sont connus pour avoir été formidables les uns avec les autres durant le Blitz. Et les New-Yorkais ont réagi de la même manière après le 11 septembre. Je me suis sentie particulièrement seule parce que Dennis venait juste d'intégrer cette caserne, donc je ne connaissais pas les autres épouses. Parce qu'en plus de Dennis, 9 autres pompiers de cette caserne sont morts. Ils avaient des femmes ou des compagnes, mais moi je ne les connaissais pas. Et puis, as far as counseling and stuff, I mean, yeah, it was very shoddy. They had nothing really, you know. Et en termes de soutien psychologique, il n'y avait rien. Parce que dans tout New York, des familles avaient perdu quelqu'un. C'était l'enfer. Donc, je m'en suis plainte auprès des collègues de Dennis. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de soutien. Et ils étaient d'accord. Selon eux aussi, j'avais besoin d'aide. Ne serait-ce que pour savoir comment parler à ma fille, Chloé, qui avait 5 ans et qui cherchait son père. Nous étions quand même chanceux d'avoir pu au moins récupérer le corps de Dennis et de l'enterrer. J'ai des amis qui n'ont rien eu de leur mari. C'est impossible à expliquer et à accepter. Mais il n'y a pas que ça. C'était il y a 20 ans, mais il n'y a pas eu un seul voyage. Et pourtant, j'ai emmené mes enfants en vacances aux quatre coins des États-Unis et à l'étranger, et même dans les endroits les plus reculés. Pas un seul voyage où on n'est pas tombé sur des hommages pour le 11 septembre. Alors, c'est touchant, mais d'un autre côté, c'est un coup de poignard dans le cœur et dans l'âme. Ça se répète sans cesse. Parce que tu essayes d'avancer, on ne les oubliera jamais, ils seront toujours dans nos cœurs et dans nos pensées toute la journée. Mais voilà, quand tu lis un livre, un roman, que tu essayes de t'échapper, de décrocher parce que tu es à la plage, et tout à coup l'auteur évoque le 11 septembre, c'est... Et les commémorations à l'occasion des anniversaires, est-ce qu'elles vous réconfortent? Alors ça, vous pouvez demander à 100 personnes différentes, je pense que vous aurez 100 réponses différentes. Moi, personnellement, je reste assez discrète ces jours-là. En général, je vais courir le matin, je rentre à la maison et j'allume la télé au moment où ils lisent les noms des morts pendant que je me prépare. Ma fille aînée, qui est plus âgée aujourd'hui, peut prendre un jour de congé et on passe la journée ensemble, dehors, dans la nature. Et puis après, je retrouve mes amis qui ont aussi perdu leur mari. Je les appelle mes copines veuves. En général, on déjeune ensemble. L'année dernière, nous sommes allés à la plage. Et ça nous a plu, donc on va peut-être refaire la même chose cette année. Je ressentais une telle douleur envers le passé, le présent et le futur. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire ce texte sur les écrivaines européennes qui ont écrit sur la guerre, parce qu'elles ont connu et souffert de la guerre sur leur sol, contrairement aux femmes de New York. Alors j'ai écrit sur Natalia Ginsberg, Anna Akhmatova et Elizabeth Bowen à Londres. Ces trois femmes ont écrit de brillants textes sur les conséquences de la guerre. Dans mon essai, je dis qu'elles étaient d'authentiques modernistes, car elles n'étaient pas sentimentales du tout. Et elles écrivaient du point de vue de la fin de l'histoire, comme si le monde civilisé était arrivé à sa fin. Elles se positionnaient à la fin de l'histoire. C'était le début du modernisme, le modernisme d'après-guerre. Et j'avais l'impression qu'après le 11 septembre, New York les rejoignait, ce qui n'était pas vrai. Et j'ai honte aujourd'hui de m'être apitoyée de la sorte, parce que nous ne vivions pas une guerre. Mais sur le moment, je ressentais que nous avions subi une invasion, que sans doute d'autres attaques allaient survenir, et que la ville ou le monde entier allait peut-être exploser. J'ai écrit ce texte avec ces impressions en tête. Mais maintenant, je pense que les Européens pensent probablement que je n'avais pas le droit d'écrire cela. J'étais effrayé par l'ambiance de colère et d'innocence agressive chez les Américains. L'idée que nous ne sommes pas responsables, nous n'avons rien à faire avec cette histoire qui a mené à cet attentat. Adam Schatz, auteur, collaborateur régulier au magazine New Yorker. Et je me rappelle, après le 11 septembre, un ami journaliste a organisé une soirée pour d'autres jeunes journalistes et j'ai fait un constat ironique. Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, pas sur le 11 septembre, mais je me suis exprimé d'une manière un peu légère. Et oui, les gens étaient choqués, absolument choqués. Oui, bien sûr, je me sentais solidaire avec les New-Yorkais, avec les Américains, contre cet attentat horrible, mais en même temps, je savais que l'attentat servirait à un prétexte pour une autre guerre impérialiste. Et est-ce que les New-Yorkais ont le sentiment que leur douleur et ce qu'ils ont subi le 11 septembre et les jours d'après ont été instrumentalisés par Washington? Ah, bien sûr, parce que oui, les gens qui se sont vraiment attaqués n'ont pas forcément une réponse belliqueuse après. C'était plutôt le deuil à New York. Il y avait un grand sens de deuil à New York. Quand je parlais de l'ambiance pro-guerre et de cette atmosphère de colère, je ne parle pas des New-Yorkais que je connais. Je ne parle pas de New York. Je parle plutôt de l'autre Amérique qui n'était pas menacée, qui n'était pas attaquée comme notre ville, mais qui était très enthousiaste pour une vengeance. Saddam Hussein était un monstre, bien sûr, mais ce n'était pas lui qui a encouragé Bin Laden et les autres à attaquer New York. Ce qui s'est passé était terrible. Il y avait des tas de morts. C'était une blessure profonde, mais on voit qu'un pays aussi puissant que les États-Unis, aussi fier de lui-même et aussi ignorant du monde au-dehors de ses frontières, peut réagir à une violence qu'il a vraiment subie avec une politique qui reproduit les mêmes problèmes, qui exacerbe la situation. Et pour moi, c'est une tragédie, ce qui s'est passé après le 11 septembre. Mon nom est Odalis. Je suis en première année à l'université et je suis en stage à la Red Hook Initiative. Aujourd'hui, on encourage les gens à s'inscrire pour voter s'ils ne l'ont pas encore fait. On leur donne des informations sur les élections. Moi, j'ai grandi à Red Hook. Mon nom est Carla et je suis en stage aussi. J'étudie le droit. Je suis née en 2002 à New York. Et vous ? Moi aussi, je suis née en 2002. Donc vous êtes née après le 11 septembre 2001. Comment est-ce que vous avez appris ce qui s'était passé le 11 septembre ? À l'école, oui, ils nous en ont beaucoup parlé. Ma mère aussi nous en a parlé. Et je sais juste pour les tours jumelles. Mais je ne sais pas grand-chose. Ils m'ont dit que c'était une attaque planifiée contre les tours. Mais il y a de nombreuses théories différentes. Puis selon certaines théories, l'attaque était planifiée par le gouvernement. Ouais, mais il y a beaucoup de théories. Je n'étais pas née à l'époque, donc je ne sais pas trop. Moi, j'ai vu ça sur Internet. Et vous, la première fois ? À l'école, et mes parents m'en ont parlé. Et ils ont dit quoi ? Mes parents m'ont dit qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient à l'époque. Ils étaient chefs dentiste. Ils regardaient la télé et ils ont vu les attaques en direct. Ils vous ont dit qui avait commis ces attaques ? Ils ont juste dit des terroristes. Si je vous dis Ben Laden, vous voyez de qui je parle, qui il représente ? What he stood for ? No. Et vous ? Je crois que c'était le chef de l'État islamique. En tout cas, c'était le dirigeant des terroristes qui ont mené l'attaque. Est-ce que vous savez beaucoup de choses sur les conséquences des attaques ? Je sais que beaucoup de gens sont morts et ont perdu des proches. Et je sais que de nombreux pompiers sont morts aussi. Et vous ? Je sais que la sécurité de nos aéroports a été améliorée depuis. Je sais que nous sommes mieux équipés pour contrer les attaques terroristes. Et je sais que les musulmans souffrent de discrimination depuis les attaques. Est-ce que le gouvernement a lancé des guerres suite au 11 septembre ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus. Ok, great. Thanks a lot. Interesting. Ok, well, you have a good day. This is a World Trade Center bound E train. The next stop is 42nd Street, Port Authority Bus Terminal. Deux profonds bassins carrés ont été creusés à l'emplacement exact des tours jumelles sur l'esplanade du mémorial du 11 septembre. Les noms des 2977 victimes ont été gravés sur les rambardes en bronze. Le maillage serré des minces filets d'eau le long de la paroi de marbre noir évoque les façades de feu les Twin Towers, à l'ombre des nouveaux bâtiments du World Trade Center et du centre commercial. Le chantier a été ralenti par la découverte de restes humains, alors que les travaux étaient en cours, mais aussi par des querelles et des atermoiements, conciliés deuil, mémoire et renouveau d'une ville meurtrie mais en mouvement, n'a pas été facile. Dans le musée, qui est souterrain, le texte de présentation est sobre et court. La priorité est donnée aux victimes immédiates et pas aux centaines de personnes qui ont inhalé les poussières toxiques du 11 septembre et qui en sont mortes des années après. Le fil de la journée est reconstitué par le biais d'une multitude d'objets, d'effets personnels, de récits, de documents écrits, audio. Tout est minutieusement sourcé et daté. Clifton Shannon est vice-directeur exécutif du musée et commissaire de l'exposition. 20 ans après, c'est une génération. La mission du musée n'a pas changé complètement, évidemment, mais en re-cible, si vous voulez, la mission du musée sur cette génération qui n'a pas de mémoire de l'événement. Et pour re-cibler nos programmes sur cette génération, il faut quand même recommencer à zéro, c'est-à-dire raconter l'événement. Pour la génération précédente, ce n'était pas nécessaire. On avait tous un souvenir de l'événement. Alors, une chose qui me frappe, depuis le début, en fait, c'est le rapport entre l'enseignant et ses élèves dans notre atelier ou dans notre tour du musée. C'est-à-dire que, évidemment, les enfants sont trop jeunes de revivre ça. Donc, il prend l'histoire un peu comme ça. Ça les intéresse, mais ça ne les touche pas, surtout quand ils sont jeunes. Mais, par contre, c'est les enseignants qui revivent un peu leur expérience. Et c'est eux qui sont touchés par l'émotion devant leurs élèves. On voit l'importance de l'événement dans la vie de cette génération et dans la profession qui a comme tâche de transmettre l'histoire à la nouvelle génération. Et on voit cette transmission avec toute cette émotion dans le musée. Qu'est-ce qui vous frappe ? Vous avez dû parler à des milliers de personnes ces 20 dernières années au sujet de cette journée. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans les récits ? Ce qui me frappe le plus dans les récits, c'est que la personne qui raconte son histoire retourne au moment de l'impact et en voit avec clarté l'intégrité de l'expérience et de la mémoire de la personne qui raconte son histoire. Ça m'a frappé tout au début de mon service ici, et c'est toujours comme ça. La mémoire de l'événement ne vieillit pas dans le sens de devenir routine, de devenir fade. C'est toujours très, très, très puissante. Malgré le fait qu'ils ont déjà raconté cette histoire maintes fois. Et cette journée inspire aussi les artistes. Qu'est-ce qu'ils produisent ? Comme dans tous les grands événements, les artistes sont mobilisés pour répondre à la sidération de l'événement. Nous avons installé dans notre musée ce grand mur bleu de Spencer Finch. Il y a 2977 panneaux en bleu, chaque bleu différent de tous les autres panneaux bleus. 2977 représente le nombre de victimes du 11 septembre. Alors Spencer a décidé de faire, à partir de ce qui est très souvent marqué comme le premier souvenir de la journée, c'était ce ciel bleu de la matinée du 11 septembre. Demande à la poussière, New York, 11 septembre 2001, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine. Mixage, Valérie Lavalard. Documentation, Annelise Signoret. Doublage, Anne de Peufeyou, Olivier Martineau, Christine Moncla, Raphaël Kraft, Marie Simon, Régis Royer, Christine Bernard et Chloé Lavalou. Coordination, la série documentaire, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Merci à Marie Dorigny et Hervé Ferrage. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Ground Zero, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter, partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs, et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, 2008, la crise des subprimes, Monopoly Game Over.